solitude t'a placé là pour toujours. Ici, c'est pas chez toi, mais tu gagnes du terrain. Pour ma tranquillité, j'ai lutté en vain. Oui, je vais me battre et j'ai des droits. Détruire ma vie, je ne te laisserai pas. Pas d'état d'âme, pas de tourment. De faire un test de paternité. Parfois, quand on suit son cœur, on attrape des bébés. Oui, mais grâce à l'aspirateur, à présent ma vie va changer. Je peux faire tout ce que je veux faire, prendre de la drogue, baiser mon frère, l'inceste, le viol, je dis oh oui. Enfin, tu es légalement des handicapés. J'ai plus besoin d'accoucher sous X à Roubaix. Tu ne me chanteras jamais cet avenir en cinglé. Libéré, délivré, désormais plus rien ne m'arrête. IVG, délivré. Manifestants attardés n'ont plus qu'à la fermer.